pour féliciter le maréchal Kim Jong-un pour son élection au poste de président du Parti Travail de Corée. La direction départementale de Hiroshima et celle de la préfecture de Kyoto de l'Association générale des Coréens résidents au Japon, Chongyun, ont abrité chacune les 19 et 20 mai des activités en présence des permanents des directions et d'autres ressortissants coréens. Les orateurs ont dit que la promotion du camarade Kim Jong-un à la magistrature suprême du Parti du Travail de Corée est un grand événement promettant une histoire nouvelle de la grande victoire au mouvement des Coréens du Japon. Ils ont souligné qu'un avenir riant est promis à l'œuvre du Tse et au mouvement des Coréens au Japon sous la direction du maréchal et que la réunification du pays, aspiration de toujours de la nation coréenne, sera réalisée à coup sûr. Les participants ont adopté les lettres à l'adresse de Kim Jong-un. La direction départementale de Saitama de Chongyun aussi a organisé le 12 une cérémonie de célébration.